So, today we are going to talk about change. Heute reden wir über Veränderung. Amen. Change. Veränderung. Ein Changement. There is what is called heavenly change. Es gibt and there is also what is called earthly change. Es gibt etwas, was sich himmlische Veränderung nennt und eine irdische Veränderung. Il y a un changement céleste et un changement terrestre. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Yes, what is, you know, this world, they have what they call change. Diese Welt hat etwas, was die Veränderung nennen. Et ce monde a aussi des choses qu'ils appellent changement. Amen. Amen. And the kingdom of heaven have what he called change. Das Königreich Gottes hat auch etwas, was Veränderung nennt. Et même au royaume des cieux, il y a aussi des changements. Both are not the same. Aber beides ist nicht gleich. Il y a une différence. Amen. Amen. What this world called change and what the kingdom of heaven called change are not the same. Was diese Welt Veränderung nennt und was das Königreich des Himmels Veränderung nennt, ist nicht gleich. Ce que le monde appelle un changement, ce n'est pas comparable avec ce que le royaume de Dieu appelle un changement. Amen. Amen. You know, when you come here and say you are changed. Wenn du hinkommst und sagst, du hast dich verändert. Et si tu viens ici puis tu dis que tu as changé. What type of change it is? Von welcher Veränderung sprichst du? Tu parles de quel changement? Is it the change of this world or what heaven called change? Ist es die Veränderung dieser Welt oder das, was der Himmel Veränderung nennt? Est-ce que c'est le changement de ce monde ou c'est le changement du Christ? Because here we are of heaven. Denn hier sind wir aus dem Himmel. Parce que ici nous sommes de Dieu. Is somebody getting it? Yes. Praise the Lord. Hallelujah. What this world called change is what man and religion called change. Was diese Welt Veränderung nennt, ist das, was der Mensch und Religion Veränderung nennt. Ce que le monde appelle changement, c'est ce que l'homme et la religion appellent changement. Amen. Amen. You know, man and religion, the change they pray to have is a change from what they call evil to what they call good. Menschen, Religion, das, was sie Veränderung nennen, ist eine Veränderung von dem, was sie schlecht nennen, auf das, was sie dann wieder gut nennen. Et pour le monde, il y a un changement quand quelque chose qui est mauvais dans leurs yeux devient bien, selon le monde. You know, when children, when if you give birth to children, you know, and those children, you want them, you know, if they are after what you call evil, you pray for a change in their life. Natural, you know, the natural people, they pray for change in their children's life. A change from what they call evil to what they now call, what they call good. But not what Christ called good. Selbst natürliche Menschen wünschen sich für ihre eigenen Kinder, wenn sie wenn sie nach ihrer Beurteilung aus böse sind, dass sie nach ihrer Beurteilung gut werden. Sie wünschen sich eine Veränderung und beten für eine Veränderung sozusagen im Leben ihrer Kinder, aber nach ihrem Maßstab, nach ihrer Moral. Et quand les gens de ce monde ont par exemple des enfants et puis se trouvent dans des choses, oui, disons, mauvaises selon la définition du monde, ils veulent toujours que cette chose qui est mauvaise, que ça tourne, que ça devienne aussi bien, mais ce n'est pas selon la définition du Christ, mais selon la définition de ce monde. Praise the Lord. Hallelujah. What they call good change is to change from what they call evil to what they now call good. Was sie gute Veränderung nennen, ist sich zu ändern von dem, was sie schlecht nennen, zu dem, was sie gut nennen. Et ce que le monde appelle un bon changement, c'est quand quelque chose de mauvais, selon la définition du monde, devient bien selon la définition de ce monde. For example, their children or their child was once a thief, and now is no longer steal. Dass ihre Kinder zum Beispiel einst Diebe waren und jetzt sind sie keine Diebe mehr. Par exemple, que leurs enfants ont été des voleurs et maintenant ils ne volent plus. I was once a liar, but no longer lie. Er war vorher ein Lügner, aber jetzt lügt er nicht mehr. Ou bien qu'ils étaient des menteurs et maintenant ils ne mentent plus. Amen. Amen. You know, if you tell you it's going to noise, from here to noise, and when you just check it, he just went truly to noise. But before it was not like that. Once he tells you he's going to noise, you will not find him in Düsseldorf. Mm-hmm. Beispielsweise, wenn dir vorher gesagt hat, er geht nach Neuss, er sagt dir heute, er geht nach Neuss und du triffst ihn wirklich in Neuss an, weil vorher hat er dir gesagt, er geht nach Neuss und du hast ihn auf einmal in Belgien irgendwo gesehen. Ne? Also vorher hat er über seinen Standort gelogen beispielsweise und jetzt tut er es nicht. Et un bon changement est par exemple quand une personne dit qu'il va à Noyes, et puis quand tu vérifies cette chose, tu vas le retrouver aussi vraiment à Noyes, parce qu'avant, quand elle disait cette chose, elle s'est retrouvée à Düsseldorf. Donc pour eux, le changement est charnel et physique et pas spirituel. Are you getting it? Mm. You can see what they call change. Et tu peux Veränderungen. Et tu peux voir ce qu'ils appellent un changement. And what gives them joy. Et was ihnen Freude gibt. Et ce que leur donne la joie. You know, man always rejoices when they see that change. Le Mensch freut sich immer, wenn er diese Veränderung sieht. Et l'homme se réjouit toujours quand il voit ce changement. Amen. Amen. My daughter was once a fornicator. Or my son was once a fornicator, but now no longer. You can see what they call change. But heaven does not call it a change. Unzüchtiger, jetzt betreibt er keine Unzucht mehr, sogar vielleicht geheiratet. Das ist das, was sie dann Veränderung nennen, aber das ist nicht das, was das Königreich Gottes Veränderung nennt. Le monde dit, mais les gens religieux, ils disent, ah oui, mon fils, il commettait toujours la fornication, maintenant cette personne ne commet plus la fornication, puis cette personne est même mariée, mais ce n'est pas ça ce que le royaume de Dieu appelle un changement. Praise the Lord. Hallelujah. You know, our daughter, since she's not married, she's no longer running after men. You can see, because she's not married, and she's no longer after men. You can see what they say, what they call change that give them joy. Will sie sagen, ja, meine Tochter, es war so eine Draufgängerin vorher. Sie hatte jeden Tag jedes Wochenende einen neuen Typen. Aber jetzt, seitdem sie geheiratet ist, steht sie wirklich in beiden Leben. Und sie hat sich für eine Person entschieden und das für immer. Und das ist das, was sie dann Veränderung, eine gute Veränderung nennen. Mm-hmm. Ou bien, les gens religieux disent aussi, oui, ma fille, elle était toujours derrière des hommes, elle avait des copains différents, mais maintenant elle est mariée, et puis elle a seulement un homme, elle n'est plus par-ci par-là. Mais ça aussi, c'est pas. You can see what they call change. They pursue. They pursue it. They run after it. They seek it. Amen. You know, that's why, you know, their children, you know, it's up to urge that you should marry, is going from one place to another. They just settle down. You can see that their prayers are they find somebody that it does settle, there's no longer running after me. You can see what they call change. Ja, und deswegen sieht man ja auch in ihren Begierden, dass sie sich ja auch deswegen diese Dinge für ihre Kinder wünschen. Sie wünschen sich eine Ehe, eine Familie, Kinder, damit diese Kinder dann beispielsweise nicht mehr so draufgängerisch unterwegs sind, weg von den Drogen kommen, weg von den Partys kommen, weil sie dann in diesen Dingen diese Lösung sehen und ihre Veränderung sehen. Et c'est ça pourquoi on peut aussi voir pourquoi les gens religieux, ils veulent toujours que leurs enfants se marient. C'est parce que pour que les enfants ne soient plus par-ci, par-là, pour qu'ils n'ont plus de relations différentes, ils sont toujours concentrés à l'extérieur et pas à l'intérieur. Praise the Lord. Amen. The fear of marriage. He asked for the ear. La peur de la mariage, du mariage. It's what they call change. C'est ça, c'est la Veränderung. C'est ce que eux appellent un changement. He would now be afraid to fornicate because she's now married. Sie wird jetzt Angst haben, Unzucht zu treiben, weil sie jetzt verheiratet ist. Donc les gens, ils ont peur de commettre la fornication parce que maintenant ils sont mariés. Amen. Mm. We don't fornicate because it's not our nature. Mm. It's not because we are married. Wir betreiben keine Unzucht, weil es einfach unsere Natur nicht mehr ist. Ne? Es ist nicht, weil wir verheiratet sind oder weil wir jetzt aus dem Alter raus sind oder sonstiges. Es ist wegen Christus. Et nous, on ne commet pas la fornication parce que nous sommes mariés, mais on ne commet pas parce que nous sommes en Christ. C'est pas notre nature. Amen. Amen. You will have the nature of Christ. Du wirst die Natur von Christus haben. Tu vas avoir la nature de Jésus-Christ. When he was here, he never fornicated. Als er hier war, hat er keine Unzucht getrieben. Quand il était ici, il a jamais commis la fornication. Amen. Amen. We now have the nature of Christ. Wir haben die Natur von Christus. Maintenant, nous avons la nature de Christ. That is all about the Lord alone. Wo es nur um den Herrn geht. Oui, il s'agit seulement du Seigneur. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You can see what man and religion call change is all based on the flesh. Du siehst das, was der Mensch Religion Veränderung nennt, basiert alles auf dem Fleisch. Et on peut voir tout ce que le monde et la religion voient comme un changement, c'est toujours basé sur la chair. Amen. But the kingdom of heaven, what heaven called change, is not about the flesh. Königreich des Himmels, das was der Himmel Veränderung nennt, ist nicht das, was die Erde Veränderung nennt. Mais ce que le royaume de Dieu appelle un changement, c'est pas ce que le monde appelle un changement. I will quickly add this, please. Amen. But through the flesh, your heart can be hardened. Amen. Durch das Fleisch kann dein Herz verhärtet werden gegenüber dem Herrn. Mais à travers ta chair, ton corps peut s'endurcir devant l'Éternel. Amen. It's not that, you know, the natural fornication, all this stealing, lying, they can't don't do anything. They can't do something to you, but not to the Lord. They can affect you and not the Lord. Mm-hmm. He does not see those things, but you will see, continue to see those things. Mm-hmm. And it will control your life. Unzucht, diese Lügen, diese natürlichen Lügen, die beeinflussen nicht den Herrn, ne? Und sie beeinflussen nicht den Herrn, sondern die beeinflussen dein Herz gegenüber dem Herrn. Mm-hmm. Und du wirst die Person sein, die sich Schuldgefühle macht, die vom Satan eine leichte Beute sein wird, ne? Mm-hmm. Aber der Herr bleibt gleich. Was wird dich angreifen, dich verändern? Et oui, le péché naturel, ça va pas affecter Dieu, mais ça va t'affecter toi-même parce que quand tu voles, tu mens, tu commets la fornication, c'est toi la personne qui va souffrir, c'est toi la personne qui va c'est condamné et oui, ne pas être en Christ, c'est surtout ton corps va s'endurcir devant l'Éternel, donc c'est toi la personne qui est au manque et pas l'Éternel. There's always result for any decision, any action you take. Jede Entscheidung hat immer ein Resultat. Et chaque décision a toujours un résultat. Amen. It might not affect the Lord, but it will affect you. Es wird vielleicht nicht den Herrn beeinflussen, aber He still love you. Er liebt dich immer noch. Et ça va pas influencer ou bien affecter l'Éternel, mais ça va t'affecter, mais bien que Dieu t'aime toujours. He still knocking at that door. He's telling you, open for me. So come in and control your life. Und sagt, öffne mir die Tür, damit ich dein Leben kontrollieren kann. Er ist immer noch da. Et Dieu est toujours là pour frapper à ta porte pour que tu ouvres la porte parce qu'il est toujours là pour toi. But your the continuation of your lies, stealing, fornicating, we always harden your heart towards him, towards his message. Aber dein weiteres Lügen und Stehlen und Unzucht treiben wird dein Herz verhärten gegenüber seiner Botschaft. Et quand tu continues à mentir, à voler, à commettre la fornication, ton corps va devenir oui, endurci devant le message, avec les messages du Christ. Amen. Christ does not care if you are a thief. Christ ist egal, ob du ein Dieb bist. Et oui, pour Dieu, c'est pas important si tu es un voleur. He does not care if you are a liar. Or a fornicator. Oder ein Unzuchttreiber. Ou bien si tu es un menteur, ou bien une personne qui commet la fornication. Amen. But notice one thing, what man and religion call thief? Aber he does not care about what man and religion call thief, or a liar, or a fornicator. You know, whatever we call thief, liar, fornicator, they are different. I hope you understand it. Ihm geht es nicht um das, was die Weltlügner, Unzuchttreiber oder Betrüger nennt, sondern geht es um das, was das Himmelreich Lügner, Unzuchttreiber und Betrüger nennt. Et Dieu, il ne voit pas, oui, les voleurs, les fornicateurs, ou bien les menteurs selon le monde, mais selon le royaume de Dieu. Amen. He is not after you change from them. Er ist nicht dahinter, dass du von diesen Dingen wegkommst und dich davon veränderst. He is not after those to know anything flesh. He is after you believe in him. Ihm geht es darum, because dass du you an ihn believe glaubst. Him, those things will run away from you. Weil wenn du an ihn glaubst, werden diese Dinge vor dir fliehen. Donc Dieu, quand il te voit, il ne va pas se concentrer sur le fait que tu ne dois plus, ou bien que tu arrêtes de faire ces choses-là naturellement. Mais pour lui, c'est plus important que tu lui crois, parce que quand tu crois en Jésus-Christ, toutes ces choses-là, donc que tu mens, que tu commets la fornication, bien que tu vois, ça va te fuir parce que ça n'appartient pas à Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. The Lord sees the root. The Herr sieht die Wurzel. Donc l'Éternel il voit la and he walks in the roots. Und er arbeitet auch in der Wurzel. Donc Jésus-Christ il voit la racine et puis il travaille aussi avec la racine. The root is that you are not believing him. Die Wurzel ist, dass du ihm nicht glaubst. Et la racine est que tu ne crois pas. Amen. Amen. Because if you are not believing him, it will open the door for all evil work. Wenn du ihm nicht glaubst, wird es die Tür öffnen für jedes bösartige Werk. Donc quand tu ne crois pas, tu ouvres les portes pour tous les œuvres méchantes. Praise the Lord. Alléluia. You know, No, what Marcus seen is changing the outside. Was what they call change, I mean, is changing the outside. Was der Mensch Veränderung nennt, ist das Äußere verändern. Et ce que l'homme appelle un changement, c'est quand l'extérieur change. Amen. Amen. The Lord's change is changing from inside. Aber die Veränderung des Herrn ist eine Veränderung, die von innen stattfindet. Mais le changement de l'Éternel, c'est toujours de l'Éternel, c'est dans l'intérieur. The only change that that the Lord is after is you return to Him. That's all he's after. Herr ist, dass du zu ihm zurückkehrst. Donc la seule chose que Dieu poursuit, c'est que tu retournes à lui. It is singular. Das ist einzeln. Das ist singular. Donc c'est singulier. Eine einzige Sünde, das einzige Problem. C'est singulier. Amen. It is singular. Singular. Amen. The change he wants for us is return to me. Die Veränderung, die von uns möchte, ist, dass wir zu ihm zurückkehren. Donc le seul changement qu'il veut, c'est que tu rentres à lui, tu retournes à lui. It is not fighting to stop lies. It is not fighting to stop fornicating. It's not fighting to stop killing. It is fight to come to me. Es ist nicht der Kampf darum, and believe me, and trust me. Aufhören zu lügen und and remember me. Oder der Kampf darum aufzuhören, sich Umzug zu treiben, sondern der Kampf darum, sich immer wieder an ihn und sein fertiges Werk zu erinnern. Amen. Et oui, donc le combat c'est pas que tu ne mens plus, tu ne vois plus, que tu tues plus, bien que tu ne que tu commets pas la fornication, mais c'est toujours que tu te bats pour rentrer à Jésus-Christ, pour retourner à Jésus-Christ. Amen. There's just one change he has for us. C'est seulement une Veränderung, die für uns hat. Il y a seulement un changement qu'il a pour nous. You can also see it, you know, find it in Matthew 4, verse 17. Du kannst auch Matthäus 4, Vers 17 sehen. Et tu peux le voir aussi dans Matthieu 4, verset 17. Repent for the kingdom of heaven is at hand. Tu boostes dans le Königreich Gottes nah. Repentez-vous car le roi de Dieu est proche. Amen. For man and religion, sin is plural. Für den Menschen und Religion ist Sünde plural. Pour l'homme et la religion, le péché est toujours à pluriel. Praise the Lord. Amen. Before Christ, sin is singular. John 16. Sünde singular. Mais devant le Christ, le péché est singulier. Et on va le lire dans Jean 16. Praise the Lord. Alleluia. Amen. John 16, verse 9. Johannes 16, Vers 9. Jean 16, verset 9. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Pray to change the way the Lord wants you to change. Bitte dafür, dich so zu ändern, wie der Herr es möchte. Et prie que l'Éternel te change la façon comment lui veut que tu changes. Amen. Verse 9, he said, I've sinned because they believe not on me. He said, the Holy Ghost will help us to understand what sin is. That sin is just singular. And not plural. Le péché parce qu'il n'y croit pas en moi, donc ça montre que c'est le Saint-Esprit qui va nous révéler le vrai péché. Until you start believing him, you will never fornicate. Weil erst wenn du anfängst, wenn du aufhörst, ihm zu glauben, dann wirst du auch anfangen mit der Unzucht. Seulement quand tu commences, seulement quand tu arrêtes de croire Jésus-Christ, c'est là où tu commences avec la fornication. Amen. You know, if your mind is occupied by him, your thought will never be of the flesh. Deine Gedanken umgeben sind von ihm, wenn deine Gedanken auch niemals umgeben sind vom Fleisch. Et si tes pensées sont remplies de Jésus-Christ, là, tu vas jamais être rempli de la chair. Amen. You know, I've heard this word before that an idle mind is the devil's workshop. A mind that is not of Christ belongs to Satan. The flesh will work. Es gibt ja auch diesen Bibelvers, wo besteht, dass leere Gedanken sozusagen ein Spielfeld des Satans bieten, ne? Weil da halt nicht Christus zu finden ist, sondern Leere. Und der Satan wird diese Leere ausnutzen für seine Werke, für seine Ideen und für seine Machenschaften. Et il y a aussi une parole quand on dit que les pensées vides sont un terrain pour le diable. Donc ça montre que quand tes pensées ne sont pas remplies de Jésus-Christ, c'est là où le diable gagne. Amen. And you know, because of this word, you know, this one, idle mind is the devil's worship. And people want to walk so that they believe that once they are busy, then their thoughts, they will not think about whatever is outside. Are you getting it? Amen. Deswegen, flesh can never suffer flesh. Und deswegen sind Leute so verwirrt, dass sie denken, okay, ich darf auf keinen Fall auf komische Gedanken kommen, deswegen muss ich mich ablenken. Ich muss die ganze Zeit beschäftigt sein, arbeiten, damit ich halt nicht dem Satan einen Spielraum biete, aber du kannst das Fleisch nicht mit vor dem Fleisch schützen. Et c'est ça pourquoi on peut se voir pourquoi l'homme essaie toujours de se distraire, il travaille par exemple ou ils font toujours des choses pour que leurs pensées ne soient pas toujours oui, concentrées sur la chair, mais tu ne peux pas combattre la chair avec la chair. Amen. Amen. You're walking from one place to another, it's flesh. And it can never solve the problem of your thoughts. Sich in Arbeit zu verbuddeln, um dann abgelenkt zu werden, das wird dich niemals heilen können. Das macht es nur schlimmer. Que tu travailles dans des places différentes, ça ne va pas te changer, ça ne va pas te protéger de tes pensées charnelles. It is the mind that is full of Christ that Satan can never intervene. Es sind die Gedanken, die voll sind von Christus, da kann der Satan nicht, sich nicht einmischen. Là où les pensées sont remplies du Christ, c'est là où le diable ne peut pas entrer. It means learn to remember your father always. Das heißt, lerne dich an deinen Vater immer wieder zu erinnern. Donc ça signifie apprendre de te rappeler de ton père. Remind yourself how little children they are to their parents, the natural parents. You know, a little child never go to any job. They're always playing, and that's their parents are satisfied with that. Erinnere dich an die kleinen Kinder, das Verhältnis von kleinen Kindern zu ihren Eltern, dass sie einfach spielen und ihr Vater ist damit zufrieden, dass sie einfach spielen. Er erwartet nicht von seinen Kindern eine Arbeit oder eine Leistung oder einen Verdienst. Et rappelle-toi, oui, la façon comment les enfants sont. Eux, par exemple, ils jouent toujours, ils ne s'occupent pas des choses charnelles, ils ne travaillent pas pour ne pas être, oui, pour ne pas avoir des pensées charnelles. Pour eux, et ils voient seulement oui, leurs parents. C'est comme ça comment tu dois aussi agir. Amen. Amen. You know, the Bible said there is joy in heaven over a sinner that repented. It is not when you change from flesh to flesh. Die Bibel spricht davon, dass es Freude im Himmel gibt über einen Sünder, der Buße tut. Aber da geht es nicht darum, dass du dich von Fleisch zu Fleisch änderst. Donc, la Bible nous dit qu'il y a. Il y a la joie aux cieux, aux cieux quand un pécheur s'est repenti, mais il n'y a pas la joie parce que tu changes pour devenir charnel. Amen. Amen. It is not when you are no longer stealing, lying or killing or fornicating. That's not what makes heaven rejoice. What makes heaven rejoice is when you return to Christ. Der Himmel freut sich darüber, wenn du aufgehört hast zu stehlen oder zu lügen, und der Himmel freut sich darüber, wenn du dich an Christus erinnerst, wenn du Christus siehst. Et oui, le ciel ne se réjouit pas parce que tu ne mens plus, tu ne voles plus. Le ciel se réjouit quand tu retournes à Jésus-Christ. Remember Revelation 1, Revelation 2, Revelation 3. He said, return to me. Always return to me. Da steht immer, kehrt zurück zu mir. Et rappelez-vous à Apocalypse 1, 2 et 3, où Jésus-Christ dit toujours aux églises, retournez à moi. Amen. The only change heaven wants us to have is return to Christ and not stop stealing, not stop fornicating. Die einzige Veränderung, die der Himmel von uns hat, ist, dass wir zurückgehen zu Christus und nicht aufhören zu lügen und zu stehlen. Le seul changement que le Christ a pour nous, c'est qu'on retourne à Jésus-Christ et pas qu'on arrête de mentir, de voler, de commettre la fornication. Amen. Amen. If you go to James, let's go to James. Et pour vous? On va lire Jacques. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. The only change you want for you is not return even to your family. It's return to Christ. Die einzige Veränderung, die von uns hat, ist nicht mal geht zurück zu deiner Familie, sondern geht zurück zu Christus. Et le seul changement que le Christ a pour toi, c'est même pas que tu retournes à ta famille, que tu retournes à Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Roma, James 2, please. Jakobus 2. Jacques 2. Verse 10. Jakobus 2, Vers 10. Jacques 2, Verset 10. He said, for whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all. I don't know if you understand that. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Und wenn das ganze Gesetz hält sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Verset 10, car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tout. Are you getting it? Mm-hmm. A change is returned to Christ. Eine Veränderung ist zurückzugehen zu Christus. Le changement est quand tu, c'est quand tu retournes au, à Christ, au Christ. Amen. A change is not change from one sin to another. Die Veränderung ist nicht von einer Sünde zur nächsten. Et les changements sind pas que tu pars d'un péché à l'autre. Amen. Mm-hmm. Because if you violate one, you violate all. Eins bis acht hast, bist du in allem schuldig geworden. Parce que quand tu pèches contre un, tu deviens coupable dans tout. Return to Christ and not return to what this world called good. Kehr zurück zu Christus und nicht zu das, was diese Welt gut nennt. Tu dois retourner à Jésus-Christ et pas à ce que le monde appelle bien. And also what heaven called change is return to Christ and not return to the natural or to the family, even their spiritual family. Und das, was Christus Amen. Don't seek the spiritual family. Amen. Amen. See Christ. Ist auch keine Rückkehr zur geistlichen Familie, sondern die Rückkehr zu Christus. Suche Christus und nicht die geistliche Familie. Et les changements, ce n'est pas aussi. Quand tu veux avoir un changement, ce n'est pas que tu retournes à la famille. Non, donc pas la famille naturelle et pas aussi la famille spirituelle. Tu dois seulement voir Amen. Jésus-Christ et être derrière Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to Luke 15. Lucas 15. Luke 15. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Don't allow it to be about family. Et oui, ne permet pas qu'il s'agisse de la famille pour toi. Allow it to be Christ. Permet qu'il s'agisse seulement de Jésus-Christ. Amen. Mm-hmm. It is all about the family. Once they provoke you, there is problem. Donc quand pour toi il s'agit seulement de la famille et quand la famille te provoque, tu auras un problème. Amen. Amen. Once they offend you, there is problem. Et quand ils te font, là il y a un problème. You allow it to be Christ alone. Amen. Et permet qu'il s'agisse seulement de Jésus Christ. If it is going to be anything family, it should be Christ in the family. Wenn es um Familie geht, dann Christus in der Familie. Et s'il s'agit de la famille, là seulement de Jésus Christ. Praise the Lord. Alléluia. From verse 10, please. Luke 15, verse 10. He said, likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over our sinner that repented. Amen. Ich sage euch, so ist auch Freude von den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. This is not talking about returning from, you know, a change from flesh to flesh. Hier geht's nicht um eine Rückkehr von Fleisch zu Fleisch. Ici, on ne parle pas d'un changement où tu pars de chair à chair. That a change that is from, you know, from the outside to that of the spirit, which is Christ alone. Eine Veränderung, die vom Außen zu dem geht, was Christus alleine ist. Donc les changements c'est que l'extérieur devient sorti en Christ. Amen. Amen. Also eine Veränderung von außen nach innen, also nach Christus. Okay. Also okay. Christus. Un changement de l'extérieur vers l'intérieur, donc un changement vers le Christ. Okay. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It's not a repentance from what this world called evil, to what this world calls good. Das ist keine Buße von dem, was diese Welt schlecht nennt, auf das, was diese Welt gut nennt. Ce n'est pas un changement sur les choses que le monde appelle mauvais ou choses que le monde appelle bien. There is always joy in heaven over his change. Es gibt immer Freude im Himmel über eine Veränderung. Il y a toujours la joie aux cieux quand il y a un changement. That is change to Christ. Aber eine Veränderung zu Christus. Mais un changement qui devient le Christ. That's what the Lord don't. What heaven only called repentance. That's a change to Christ. Veränderung nennt eine Veränderung zu Christus. Et c'est ça ce que oui le royaume de Dieu appelle un changement, c'est quand tu retournes au Christ. He wants us to repent. Il veut qu'on se repente. All the time. Ständig. Tout le temps. Amen. That you do no longer allow the flesh to bother you. Now allow it to be the spirit. That's a change. Amen. Dass wir nicht mehr zulassen, dass das Fleisch uns stört und einen Anstoß gibt. Da gibt es eine Veränderung. Que tu ne permets plus que oui que la chair te dérange, mais que tu permets que tu changes, que tu retournes à Jésus-Christ quand tu es dans l'esprit. Christ came for a change. Christus kam für eine Veränderung. Le Christ est venu pour un changement. Praise the Lord. Hallelujah. And no man hates change. Aber der Mensch hasst Veränderung. Mais l'homme déteste le changement. And if they want to change, it's always what they call good and evil. It's always between them. Und wenn sie sich dann verändern wollen, geht's immer um das, was sie gut und schlecht nennen. Et si ils veulent changer, là c'est toujours selon la définition de ce monde et pas selon du Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. No matter how good your good is, it is evil before the Lord. Es ist bösartig vor dem Herrn. N'importe comment c'est bien devant le monde, c'est toujours mauvais devant le Christ. Amen. From verse 11, please. And he said, a certain man had two sons. Verse 12. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me, and divide unto them his living. Verse 13. Okay. He divided unto them his living. Amen. Amen. Verse 13, please. Okay. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. Verse 14, please. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. Verse 15. And he went and joined himself to a citizen of that country. And he sent him into his field to feed swine. Amen. Yeah. Praise the Lord. If, you know, a country always has citizens. Countries always have citizens and not members. Ein Land hat immer Bürger und nicht Mitglieder. Un pays a toujours des citoyens et des habitants et pas des citoyens et pas des habitants ou bien des habitants. And that is why in the kingdom of heaven there is no members, but citizens. Et c'est ça pourquoi au royaume de Dieu il n'y a pas des membres mais seulement des citoyens. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You can see how they have diluted, you know, how Satan have tried to dilute everything of Christ. Aber ihr seht, wie der Satan versucht hat, alles von Christus zu verwässern. Et on peut voir comment le diable a essayé de diluer des choses du Christ. If you see our churches today, it's all about members. Wenn du die Kirchen anguckst, you hardly hear it is citizen. Da geht es selten um Bürger. Mais dans les églises religieuses, il s'agit seulement des membres, mais jamais des citoyens. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Will help us to read verse 16, please. 16. To help us to read verse 16. Verse 16. Er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Amen. Mm-hmm. And he who found have filled his belly with the hawks that the swine did eat, and no man gave unto him. Verse 17. And he came to himself. He said, how many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Verse 18. I will arise and go to my father, and I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. 19. And I am no more worthy to be called your son. Make me one of your hired servants. And he arose and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. Praise the Lord. Amen. Amen. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and I am no more worthy to be called your son. But the father said to his servant, bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet. 23. And bring it at the fatted calf, and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead, and is alive again. He was lost, and is found. And they began to be merry. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know, there's several, you can see this prodigal son, that there was a true repentance. On peut voir dans l'histoire du fils perdu qu'il y avait vraiment une vraie repentance. He did not pretend to return. Er hat nicht so getan, als ob er zurückgeht. Il n'a pas prétendu de retourner. It was a repentance from the heart. Es war wirklich eine Buße aus dem Herzen heraus. C'était vraiment une repentance du cœur. Amen. And this is not returning. Yes, this is not a change to the family. What man we call a change? This is called, talking about returning to Christ. This is the place we are reading now. Et ce n'était pas un changement parce qu'il est retourné à la famille, mais c'était un changement parce qu'il est retourné au Christ. Amen. Here he's talking about total repentance and total surrender. You surrender to Christ. You return to Christ alone. Hier geht es darum, dass du dich vollkommen Christus hingibst und zurück zu Christus kehrst. Donc ici on peut voir qu'il s'agit du fait que tu retournes complètement à Jésus-Christ et puis que tu te soumets aussi à Jésus-Christ. It means leaving all. Das heißt, alles zu verlassen. Das signifie que tu quittes tout. Just like Mark 10 said, Peter said we left all. Genauso wie Markus 10 sagt, bei Markus 10 sagt Petrus, wir haben alles verlassen. Comme dans Marc 10 où Pierre dit qu'il a tout quitté et tout laissé derrière lui. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Verse 28. 10, verse 28. Marc 10, verse 28. Then Peter began to say unto him, Lord, we have left all. Amen. You can see repentance. Repentance is just returning fully to Christ. Buße bedeutet vollkommen zu Christus zurückzukehren. Donc la repentance signifie que tu retournes complètement à Jésus Christ. Amen. Yeah. It's not living. It's not. He did not say we left 99.9. He said we left all. Markus 10. Il n'a pas dit que nous avons quitté seulement 99%, mais il a dit que nous avons quitté tout. Please let us return to Christ alone. Bitte lass uns zurück zu Christus alleine zurückkehren. S'il vous plaît, on doit retourner complètement à Jésus-Christ et seulement à Jésus-Christ. Surrender everything to him. Übergebe alles Jesus Christus. Soumet tout à Jésus-Christ. Whatever you refuse to let go, we take you away from him. Denn was immer du nicht loslassen kannst, kannst du von Christus wegnehmen. Et tout ce que tu ne peux pas laisser pour Jésus-Christ, ça va t'éloigner de Jésus-Christ. Amen. Just one is too much for you. To keep to yourself. Eine Sache ist schon zu viel, um sie für dich zu behalten. Et une chose est déjà trop pour pour le retenir pour toi-même. Because Satan is not looking for more, much. He never looked for much. He's just looking for just that one. Et le nom. Et le diable ne cherche pas beaucoup de choses. Non, il cherche seulement une chose qu'il peut utiliser pour t'éloigner de Jésus-Christ. Amen. And one is enough for him to do his job. Diese eine Sache reicht, um sein Werk zu verrichten. Et cette chose, donc une chose, est déjà assez pour. Pour qu'il fasse son travail, pour qu'il fasse son travail. You know, he was once with the Lord. Amen. No, that's why, you know, if you look at the Lord, one is enough for the Lord to go through and change everything. Only one Moses was enough for him. Only one Abraham was enough for him. So also is Satan. Only one is enough for Satan to steal, kill and destroy. Genauso ist auch bei dem Herrn, dass es reicht ein Mose, um die Kinder Israels zu befreien. Aber genauso ist auch bei Satan, braucht es sozusagen ein Judas, um alles hochzunehmen. Ne? Also sie braucht nur eine Person, die sich bereitstellt, ein Gefäß zu sein. Et on peut voir que le diable qui a été Lucifer, il était aussi avec Dieu, donc il connaît aussi le système du royaume de Dieu. C'est ça pourquoi, comme Dieu, il a aussi seulement besoin d'une chose pour détruire, une personne, comme aussi Dieu, il a seulement aussi besoin d'une personne pour, sauver les gens, pour, par exemple, aussi délivrer le peuple Israël d'Égypte. Et ici, on peut voir comment le diable, il est même en train de copier Jésus-Christ. Et quand tu as seulement une chose, c'est ça aussi ce qu'il peut utiliser. Actually, brought this message because of Best. Und tatsächlich hat die Botschaft wegen Best gebracht, weil der Herr sie so sehr liebt. Et l'Éternel a amené ce message à cause de Best, parce que Jésus-Christ aime Best vraiment, oui, tellement. He wants her to, you know, to be to just submit everything. Der Herr möchte, dass sie alles dem Herrn übergibt. If not, she's going back. Weil sonst wird sie zurück in die Welt gehen. Et l'Éternel veut vraiment que elle soumette tout complètement à Jésus-Christ, sinon elle va retourner. Amen. Praise the Lord. Amen. Though the Lord does not see your lying, your stealing, your fornication. Your lying, stealing, or fornication, or other, you know, those things that you refuse to give to the Lord. What man calls sin, we always harden your heart towards the Lord. All diese Dinge, die der, auch wenn der Herr diese Dinge nicht sieht, dieser Fleisch, diese physischen Sünden, dennoch werden diese physischen Sünden dein Herz gegenüber den Herrn verhärten und dich von ihm distanzieren. Bien que oui, Dieu ne voit pas que tu mens, que tu voles, que tu tues, les péchés naturels, donc ce que l'homme appelle le péché, ça va endurcir ton cœur devant l'Éternel. Are you getting it? And that's why, you know, people think that grace lead you to sin. Leute denken, dass die Gnade zu never lead you to sin. Amen. Elle führt nicht zur Sünde. Et les gens pensent que la grâce de Dieu, la bonté de Dieu te pousse à pécher, mais ce n'est pas vrai. His mercy never leads you to sin. Seine Barmherzigkeit führt nicht zur Sünde. Sa miséricorde, ça te pousse pas à pécher. Amen. Yeah. Though you never see what man calls sin, but what man calls sin will see you and will lead you. And finally, it's a process. It's like a little drop of water. It's a matter of time to take you away from the Lord. Sieht nicht das, was der Mensch Sünde nennt, aber das, was der Mensch Sünde nennt, wird dich aufsuchen, dich finden, dich überholen und dich hochnehmen sozusagen. Donc Dieu, il ne voit pas ce que le monde appelle le péché, mais ce que le monde appelle le péché, ça te voit. Donc c'est seulement une question de temps jusqu'à ce que ça va te séparer complètement de Jésus-Christ. Und es ist wie ein kleiner Ozean, der entsteht durch diese kleinen Tropfen, immer mehr und mehr Tropfen, immer mehr und mehr von diesen kleinen Sünden, die dann halt zu etwas Großem werden. Et c'est comme oui, la mer qui est toujours remplie de petits gouttes. Oui, donc c'est comme si la mer est toujours remplie des gouttes. C'est seulement donc un jour ça va être rempli. Amen. Amen. You know, just like the Lord never see your sin, what man calls sin. Genau wie der Herr nicht das sieht, was der Mensch Sünde nennt. Oui, comme si Dieu ne voit pas, même si Dieu ne voit pas ce que le monde appelle le péché. It is like your faith never moving. Genauso wie dein Glaube bewegt ihn nicht. C'est aussi la même chose avec ta foi ne pousse pas Dieu. Your faith moves you. Dein Glaube bewegt dich. Mais ta foi, ça te bouge, and not the Lord. Und nicht den Herrn. Et pas l'Éternel. Praise the Lord. Hallelujah. Faith move you to get to collect what grace has for you. Der Glaube bewegt dich dazu, das zu empfangen, was die Gnade für dich hat. Donc ta foi, ça te bouge de oui d'avoir ou de recevoir ce que la grâce a pour toi. Praise the Lord. Hallelujah. Again, you know, what man calls sin, what religion calls sin, they never affect Christ, because Christ is the root. Was der Mensch Sünde nennt, was Religion Sünde nennt, das beeinflusst Christus nicht. Amen. Amen. Donc ce que la religion ou bien l'homme appelle le péché, ça ne voit jamais Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il voit toujours la racine. Jésus, c'est immer die Wurzel. Amen. Genau, weil Christus Jesus immer die Wurzel sieht. Amen. Amen. Amen. The root, which is, you did not believe him. Die Wurzel, die nämlich lautet, dass du nämlich nicht an ihn geglaubt hast. Et la racine est toujours que tu n'as pas cru à Jésus-Christ. The root, which is, you are not after him. Die Wurzel, die nämlich sagt, dass du nicht hinter ihm her bist. Et la racine est toujours, ça montre que tu ne cherches pas Jésus-Christ. The root, which is, you are not hungry of him. Die Wurzel, die besagt, dass du nicht hungrig bist nach ihm. La racine qui montre que tu n'as pas faim de Jésus-Christ. The root, which is, you refuse to let all go. Die Wurzel, die nämlich besagt, dass du dich weigerst, alles loszulassen. La racine qui montre que tu refuses de tout laisser derrière toi. Again, Peter said we left all. Petrus hat gesagt, wir haben alles verlassen. Encore, Pierre a dit qu'il a tout laissé derrière lui. Amen. Amen. The Lord is after leave. Der Herr ist da, wir alles zurücklassen. And not after some. Und nicht nach einigen Dingen, die wir zurücklassen. Donc, Jésus-Christ, il dit que tu dois tout laisser. Il ne dit pas que tu dois laisser seulement quelque chose. Amen. It is like blessing. Genau wie der Segen. Well, no, blessing his house. Dein Haus zu segnen. C'est la même chose avec quand tu bénis sa maison. Amen. It is not tipping the Lord. Es geht nicht darum, den Herrn ein Trinkgeld zu geben. C'est pas que tu donnes seulement un petit peu d'argent à Dieu. He is not a beggar that you tip. Er ist kein Bettler, dem du Trinkgeld geben musst. Il n'est pas un mendiant pour que tu lui donnes des pourboires. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He's just after all. Er ist einfach hinter allem her. Mais Jésus-Christ est toujours derrière tout. All of you. Everything of you. Von all. Alles. Donc Jésus-Christ, il veut avoir tout de toi, complètement tout de toi. He just wants you to belong to him alone. Er möchte, dass du just like a husband and a wife. Allein zu ihm gehörst, genauso wie Ehemann und Ehefrau. Et il veut que tu appartiennes complètement à lui-même, comme une relation entre homme et comme mari et femme. Are you getting it? Amen. Amen. Let's go to Mark 12, please. Mark 12. On va lire Mark, Mark 12. Praise the Lord. Mm-hmm. From verse 41. Mark 12, verse 41. Are we there, please? From verse 41 to the end. Mark 12, verse 41 jusqu'à la fin. And Jesus sat over against the treasure. And beheld how the people cast money into the treasure. And many that were rich cast in much. They cast, they were dropping many. Sie haben viel reingeschmissen. But not all. Aber nicht alles. Donc, ici, ça montre que les gens, ils mettaient beaucoup de l'argent. Ou bien, ils donnaient beaucoup de l'argent, mais pas tout. Praise the Lord. Hallelujah. Because he knows that whatever you let go, it's just that very thing. It can be just half. It's too much. That half is enough for Satan. Er weiß, dass diese eine Sache, die du nicht loslassen kannst, reicht dem Satan, um es gegen dich zu verwenden. Parce que ça, donc ce verset montre que quand tu ne donnes pas tout, cette petite chose que tu gardes pour toi-même, c'est assez pour que le diable utilise cette chose pour te séparer de Jésus-Christ finalement. And that very thing you let go might be your daughter. diese eine Sache, die du tust, das ist vielleicht deine Tochter. Et cette chose que tu dois laisser, c'est peut-être même ta fille. It might be your mother. Deine Mutter. Ça peut être ta mère. It might be a wife, it might be a husband. Oder eine Frau. It might be your child, your children. Oder deine Kinder. Ça peut être, oui, ta femme, ton mari, un enfant, mais même tes... Oui. You know, until you let go of everything, you cannot follow Christ. Look at Abraham. He said, give me your only son. You must let that son go. Are you getting it? Erst wenn du alles loslässt, dann kannst du auch Christus folgen. Genauso wie bei Abraham hat gesagt, du musst diese eine Sache loslassen und mir nachfolgen. Seulement quand tu es prêt à laisser tout derrière toi, c'est là que tu peux suivre Jésus-Christ. C'est la même chose même avec Abraham. Il a aussi tout laissé derrière lui. C'est ça pourquoi il a été capable de suivre Dieu complètement. He hates rival. Er hasst einen Rival. Parce que Dieu déteste des rivales. Amen. He never competed with anybody. Er will mit niemandem in Konkurrenz stehen. Il veut jamais avoir la compétition avec une personne. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Verse 42, please. 42. And there came a certain poor widow. And she threw in two mites, which make a fatty. 43. And he called unto him his disciples and said unto them, praise the Lord. Hallelujah. Verily I say unto you that this poor widow has cast more in than all they that have cast into the treasure. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The Lord is not after so many, he's after all. Der Herr ist nicht nach vielen Dingen, sondern er ist hinter allem Herr. Amen. Oui, l'Éternel ne veut pas beaucoup de choses, mais il veut tout de toi. We know a lot have been here. Viele waren hier in dieser Gemeinde. Beaucoup de gens ont été ici dans cette église. They never let all go. Aber sie haben nie alles zurückgelassen. Ils ont jamais laissé tout derrière eux. Amen. Mm-hmm. Whatever you just keep to yourself. Was immer du für dich selbst behältst, wird dich wegnehmen. Et la chose que tu gardes toujours pour toi-même, ça va t'éloigner de Jésus-Christ. Mm-hmm. Coming to Christ, you must be prepared to let everything go. Wenn du zu Christus kommst, musst du bereit sein, alles loszulassen. Et quand tu viens vers Jésus-Christ, tu dois être prêt de laisser tout derrière toi. Amen. Amen. Verse 44, please. 44. Verse 44. He said, for all they that cast in of their abundance, but she of her want, the cast in all that she had, even all her living. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. He's not after just some, but all. Hinter einigen Sachen her, sondern hinter allem. Et Dieu ne veut pas seulement beaucoup de choses, bien quelque chose de toi, mais il veut tout de toi. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Don't allow anything to take you away from him. Lass nicht zu, dass dich irgendetwas von Christus wegnimmt. Ne permet pas qu'une chose te sépare de Jésus-Christ. Amen. The Lord was not after giving some, but all. Der Herr war nicht dahinter, dass man einiges gibt, sondern alles. Donc Dieu, il ne cherche pas que tu donnes seulement certaines choses, mais il veut que tu donnes tout. If you also remember Ananias and Sapphira, they gave some and not all. Oder auch Ananias und Sapphira, sie gaben einiges, aber nicht alles. Et la même chose avec Ananias et Sapphira, eux, ils ont donné aussi, oui, un peu ou bien quelque chose, mais ils n'ont pas donné tout. What you refuse to surrender become always, we always become danger to you. Was du nicht loslassen kannst, wird immer zu einer Gefahr für dich. Et la chose que tu ne peux pas laisser, que tu ne peux pas laisser complètement pour Jésus-Christ, ça va devenir dangereuse pour toi. You know, Paul have to leave all the all the degree. Paulus musste seine ganze Bildung. Because it can become so dangerous to you. Weil es gefährlich werden kann für dich. Et même Paul, il a laissé sa médication derrière lui parce qu'il savait que ça peut devenir même dangereux pour lui. He demands all from us. Er fordert alles von uns. Et Dieu, il veut tout de nous. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Whatever you refuse to let go, if even it's just one, was immer wir nicht loslassen können, Auch wenn es nur eine Sache ist, ist es gefährlich. Et la seule chose que tu ne peux pas laisser pour Jésus-Christ, même si c'est une chose, c'est dangereux. Again, one is too much to give to Satan. Eine Sache ist schon zu viel, die man den Satan übergibt. Et une chose est déjà, c'est déjà trop pour donner ça au diable. Amen. Amen. Whatever you refuse to give to Christ. Belong to Satan. Is somebody getting it? Et oui, la chose que tu ne peux pas donner au Christ, ça appartient au diable. Amen. And that's why whatever you refuse to submit to Christ, it will always become so dangerous to you. Was du Christus nicht übergeben kannst, wird gefährlich. That severity becomes your enemy. Die Sache wird dann zu deinem Feind. Et la seule, oui, la chose que tu refuses à soumettre à Jésus-Christ, ça va être dangereux pour toi, ça va même coûter ta vie. Amen. Non. What man and religion cause sin? Parce que les gens et la religion sünde nennent. Ce que le monde, ou bien, oui, le monde et la religion appellent. Amen. Lying, stealing, fornication. Amen. And many others. There are very many. Amen. There are many. Stop it. Or stop them. They will always fight your faith. Wir müssen damit aufhören, denn es wird unser They will fight you. Angreifen. It's not Christ, they fight you. Es ist nicht Christus, der dich bekämpft, sondern diese Sachen werden deinen Glauben angreifen. Et ce que, oui, tous les péchés selon la religion, selon la chair, comme mentir, voler, faire la fornication, tu dois arrêter de commettre ces choses, parce que ces choses-là vont te combattre, et pas, c'est pas que Jésus-Christ te combatte, mais c'est ces choses. Satan will always remind you of them. Der Satan wird dich immer daran erinnern. Parce que le diable va toujours te rappeler de ces choses. Did you see what you did yesterday? Was du getan hast gestern. Tu peux voir ce que tu as fait hier, et maintenant tu pries. Amen. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, ne? Auf diesem Modus, dass er halt versucht, dich immer wieder zu verurteilen. Und jetzt fängst du an zu beten. Jetzt willst du auch einmal für Leute beten, obwohl du eigentlich selber Gebet brauchst. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Remember, he is the accuser of the brethren. Erinnert euch daran, er ist der Verkläger der Brüder. Und was ist se rappeler que le diable est l'accusateur des frères et sœurs en Christ. Amen. All these natural sins, they are like little drops of water that become a mighty ocean. All diese natürlichen Sünden sind wie kleine Tropfen, die zu einem großen Ozean werden irgendwann, wenn man sie immer wieder toleriert. Et toutes ces gouttes, non, tous les péchés naturels sont comme des gouttes qui remplissent la mer. Amen. It's like wax, you know, candle. When you drop it, you drop it, you drop it, it's getting thicker, thicker, thicker. Es ist wie wenn du eine Kerze machst. Du tauchst diesen Dot immer wieder in dieses Kerzenwachs. Harden your heart Es wird, diese Kerze wird immer dicker und dicker, die Schicht wird immer größer und größer und dein Herz sozusagen immer mehr, wird immer mehr verhärtet, bis du gar nichts mehr merkst, bis du nicht mehr weißt, ob es 11 oder 13 Mal war. C'est comme avec le quand tu utilises une bougie, le wax. Oui, c'est comme tu utilises une bougie et puis tu les mets dans un wax. Praise the Lord. We have another example because it's difficult to explain in French. La cire. La cire. Amen. Okay, you got it later. C'est comme une bougie où tu fais goûter, fais tomber la cire et cette cire va aussi s'endurcir. À chaque goutte, ça va devenir de plus en plus. Something that is thicker. It's like when I'm turning a starch. Yeah. Before you know, it's getting thicker and thicker. It was very light, and as you keep on doing it, it's getting harder and harder. It keep on hardening your heart more and more, that you will renounce the Lord. Your heart completely. Et tu peux aussi le comparer quand tu fais, tu prépares par exemple le foufou et la semoule. Non, semoule. Quand tu les tournes avec de l'eau et puis tu ajoutes toujours le foufou, c'est là où ça devient de plus en plus fort. Et c'est comme ça aussi comment ça va. Les péchés naturels vont toujours t'endurcir devant l'Éternel. Amen. Today is just about your daughter. That's why you are leaving the Lord. Tomorrow is about something else. The other day is another thing. You know, continuously, you are not living in it. You are enjoying it. Become part and parcel of your life. When are you going to get out of it? Harden your heart more and more towards Christ. Morgen geht's dann deine Arbeit, du legst immer mehr und mehr Kompromisse ein, wo du dich immer wieder gegen Christus und für das Fleisch entscheidest, für Menschen entscheidest. Und diese ständigen Entscheidungen gegen Christus und für das Fleisch werden dein Herz immer mehr verhärten. Et c'est quand, par exemple, tu ne vois plus l'Éternel à cause de ta famille, à cause de tes enfants, à cause de ton travail, et c'est toujours peu à peu, puis un jour, finalement, tu vas laisser Jésus-Christ complètement, parce qu'avant, tu as toujours pris des décisions contre Jésus-Christ à cause des choses charnelles, et c'est la même chose avec, les péchés naturels. Amen. As you keep on living in them, they will bring death to you. Wenn wir weiter in deinem Leben, dann wird es uns den Tod immer näher bringen. Et quand tu continues à vivre dans les péchés naturels, ça va amener aussi la mort dans ta vie. Amen. Death to you also means they will take you away from Christ. Der Tod bedeutet, dass es dich von Christus wegnimmt. Et la mort, ça signifie que ça va t'éloigner de Jésus-Christ. Amen. You never start and stop there. You know, there's nothing. It's like, you know, you never start and remain there. You are going either to go down. You know, there's no standstill. Und in diesen Sachen gibt es keinen Stillstand. Ne? Also du fängst dich damit an und kannst dich dann wieder zurückziehen, wenn es dir dann zu brenzlig wird. Sondern es ist wie eine Rutsche. Ne? Es ist Schwerkraft. Es zieht dich, es reißt dich nach unten. Et quand tu commets ces choses, c'est comme donc tu restes jamais debout, donc c'est toujours que tu tombes de plus en plus. Et c'est la même chose avec les péchés. Quand tu commets un petit péché, après tu vas te trouver dans une situation grave parce que ces autres péchés là t'ont poussé à faire même des grands péchés. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. If you go to James 1. Jacques 1. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. James 1, verse 14 and 15. Jacques 1, verset 14 et 15. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust. And entice. Then, when lust hath conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death.